Voici Martial Bouchard, directeur général de la Caisse Desjardins, Domaine du Roi. Le personnel et les dirigeants de la Caisse Desjardins du Domaine du Roi rendent hommage aujourd'hui à tous les hommes et les femmes qui ont fait de la traversée internationale du lac Saint-Jean un des rendez-vous nautiques les plus prestigieux sur la planète. L'implication de tous les administrateurs et bénévoles, la participation des athlètes et le support des nombreux commanditaires permettent de croire que la 63e édition sera encore une fois à la hauteur des attentes de la population. Bravo à cette organisation qui atteint et maintient une notoriété aussi élevée qu'enviable partout à travers le monde. Desjardins vous invite à profiter des plaisirs de l'été et vous souhaite une excellente traversée. On va parler de nage en eau libre et ça me fait extrêmement plaisir encore d'accueillir il sera encore une fois, j'imagine, à l'antenne de Planète 99.5 samedi lors de la traversée. C'est Marc-André Leclerc qui est un grand connaisseur. Il a déjà participé, je pense, une couple de fois à la traversée. Salut Marc-André. Oui, bonjour Danny. Hey Marc-André, comment tu l'as fait de fois à la traversée, hein? 6 fois, donc ça remonte. C'est ma 10e année de retraite, entre guillemets, cette année. Donc, ma dernière traversée, Danny, c'est en 2007. J'ai fait la traversée à 6 reprises là au début des années 2000, donc entre 2002 et 2007. Et j'ai fait la traversée ici à Robertval, bien sûr. J'ai fait aussi 4 reprises le lac Memphremagog, puis environ une vingtaine de marathons là à l'extérieur du Canada, là, donc États-Unis, Argentine, Mexique, Italie, Serbie, Macédoine, Espagne, Portugal. Donc, j'ai eu la chance. La natation d'eau libre m'a permis de voyager quand même. Hey Marc-André, hier, je posais la question sur les médias sociaux, puis je veux avoir ton opinion là-dessus. C'est sûr que tu es un petit peu biaisé, mais c'est pas grave, ça va être bon pareil. Je demandais, en marge de la traversée internationale du lac Saint-Jean, quelle discipline sportive est la plus difficile à faire? Et moi, mon choix, c'était la traversée. Pour couvrir la traversée, c'est incroyable comment les gens ont du courage avec le froid, l'eau, quoi que ça va changer un peu cette année. Là. Est-ce que tu es d'accord avec ça? C'est sûr qu'en Ironman, on dit que c'est vraiment très, très difficile. Il y a une nouvelle discipline aussi, mais c'est pas tellement reconnu. C'est les courses dans les montagnes, les courses à pied. Il y a des gens qui courent des 30, des 40, des 160 kilomètres. Ils passent des 35 heures à courir. C'est fourraine, mais c'est pas encore reconnu vraiment. Mais est-ce que pour toi, là, la traversée, c'est pas mal ce qui est le plus dur? Oui, je pense que oui. Puis même les gens qui font des Ironman le reconnaissent là, que c'est plus difficile de faire un 32 km comme ici à Robertval dans les conditions qu'on peut reconnaître difficiles, que c'est plus difficile que de faire un Ironman. Fait que oui, je pense que... Puis il y avait certaines études là, dans le passé là, qui avaient, au début des années 2000, qui disaient que la traversée là, se plaçait là, dans les 3-4 premières épreuves là, les plus difficiles à faire sur la planète. Là. Fait que c'est sûr qu'il y a tout le temps des ultra-courses puis des ultra-marathons de course à pied, des fois. Il y a des choses qui sont difficiles. Tour de France, le Tour de France aussi, ça peut... Tu sais, je veux dire, moi, personnellement, j'aurais jamais fait le Tour de France. Ça, c'est vraiment pas mon sport. C'est plus la natation. Fait que c'est sûr que c'est un choix qui est individuel aussi. C'est chacun. On a nos limites, on a nos forces, nos faiblesses. Moi, je fais la course à pied pour me maintenir en forme, mais c'est pas un sport que j'apprécie autant que la natation. Fait que pour moi, tu me dirais que t'es obligé demain matin de courir un 42 km de course. Je dirais, bye-bye. Ça dépend tout le temps de chacun, mais oui, la traversée, sans contredire, fait partie des événements les plus difficiles sur la planète. OK. Quoi s'attendre cette année? C'est une grande nouveauté. J'en ai parlé avec des nageurs. Puis j'ai eu Xavier Desharnais, la semaine passée d'entrevue. J'ai eu Daniel Béril qui fait sa première expérience. Une jeune comme Gabrielle Savard également de Boom-Sassigny. Donc, j'en ai eu quand même pas mal des nageurs là, en marge de la traversée du lac Saint-Jean puis de Saint-Thomas d'Idienne. Le port de la combinaison cette année. Ça va changer la donne. Hein? Ça va changer la donne, Dani. Et on est un peu dans un monde là d'incertitude et d'inconnu. Hein. Ouais. Parce que ça va être la traversée samedi, ça va être sans doute le premier événement où soit qui va être obligatoire si la température de l'eau est en bas de 18 degrés Celsius ou optionnel si la température de l'eau se situe entre 18 et 20 degrés. Et donc, à partir de ce moment-là, on le sait pas et même les nageurs ne savent pas. Il y a personne qui a fait une course de 10, 15 kilomètres avec la combinaison thermique, et on ne sait pas au niveau de l'irritation, au niveau de la déshydratation, les effets que ça va avoir. Fait qu'il y a des athlètes là, qui se lancent un peu dans l'inconnu là. Okay. Samedi, tout dépendamment la température de l'eau qui va être prise là, avant la course. OK. Mais donc, c'est optionnel. Je pensais que c'était obligatoire. Ben, en fait, il y a trois zones. Et ça, c'est très important là, ouais. Pour les gens à la maison. Là. En bas de 18 degrés, il est obligatoire. Fait que okay. Tu peux pas partir. En bas de 18 degrés, tu peux pas partir la course sans voir ton wetsuit. Entre 18 et 20, c'est optionnel. Fait que tu le mets pas, c'est à la discrétion de l'athlète. Et en haut de 20 degrés, t'as pas le choix, tu peux pas le mettre. Okay. Fait que tout dépendamment de la température et de la météo des prochaines heures, d'ici à samedi matin. Et ce qui est important de savoir, c'est que la température de l'eau va être prise 2 heures avant la course. Okay. En plein milieu du lac. Fait que ça aussi, là, moi, personnellement, là, pour avoir, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est ma 10e année là, de retraite. Et pour à chaque année, avec les gens de Planète, on fait le chemin entre Berval et Périmonca en bateau. Et on s'amuse souvent à arrêter en plein milieu pour aller voir la température de l'eau. Et c'est très, très rare que c'est en haut de 20 degrés. Habituellement, ça se situe plus entre 18 et 20 et quelques années plus froides là, en bas de 18 degrés. Donc, je m'attends à ce que le port de la combinaison soit optionnel et à la décision de l'athlète. OK. Est-ce que ça va changer la vitesse? Ça peut oui, changer? Ça va changer la vitesse. Ouais, OK. Oui, tout à fait. Moi, au cours des dernières années, Danny, j'ai montré là, à un de mes amis, là, un gars qui a fait des triathlons, j'ai montré comment nager et je lui ai appris à nager. Et en piscine, j'avais souvent un 5-6 secondes d'avance sur lui, sur un 100 mètres. Et lorsqu'on arrivait en lac, il nageait à côté de moi. On peut aller chercher là, quasiment une minute de plus rapide, là, peut-être c'est par kilomètre, peut-être, là, mettons 3-4 secondes, un bon à 30 à 45 secondes par kilomètre. Fait que ça peut faire une grosse différence. Mais l'impact qu'on connaît pas, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est quoi l'impact sur l'irritation dans le cou, sur le fait de nager avec ça pour les épaules, là, parce que c'est vraiment une combinaison, là, qui part de la tête aux pieds. Comprenant les épaules et les bras qui va jusqu'au poignet. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est quel est l'impact et comment les nageurs vont se sentir dans l'eau. Okay. Est-ce qu'ils vont être à l'aise à nager avec ça? C'est une bonne question parce que personne ne connaît cette réponse. On va la connaître samedi, si jamais certains ne l'ont pas. Ils risquent d'avoir moins de retraits, par exemple, hein? Tout à fait. Ça va peut-être retarder des retraits. Je veux dire, une combinaison comme ça, c'est sûr que ça c'est comme un enveloppe et tu réchauffes l'eau à l'intérieur et cette eau-là, c'est sûr que ça va avoir un impact sur soit le moins de retraits ou retarder certains retraits. Ou peut-être ça va provoquer d'autres, parce que ce que je disais tout à l'heure, l'irritation, le fait d'être confortable ou non à nager dans ce maillot-là, dans cette combinaison-là, ben peut-être ça va occasionner d'autres problèmes qui vont faire en sorte que ça va occasionner d'autres types de retraits qui sont pas juste l'hypothermie. T'sais. OK. Parce qu'il faut comprendre que dans cette combinaison-là, et Pierre Lavoie, ça fait plusieurs années qu'il pratique en étant un triathlète, parce que c'est permis depuis longtemps, on perd beaucoup d'eau. Hein. L'hydratation va être très importante. Fait que les athlètes qui sont habitués de s'alimenter aux 10-15 minutes et de prendre une certaine quantité d'eau, ben là, si la déshydratation est plus importante, ben, à un moment donné, tu peux pas juste arrêter de boire, là. Tu gorges aussi. Fait, il peut y avoir d'autres effets qu'on ne connaît pas parce que c'est un peu une nouvelle type de course. OK. Allez, Marc-André, parce que là, il faut savoir que la traversée internationale du lac Saint-Jean, ça fait partie d'un circuit. Il y a des courses en Argentine, il y a des courses un peu partout. De ce que tu as vu dans les temps ailleurs, mettons, je sais qu'en Argentine, il y en a une en janvier, est-ce que ça a changé de beaucoup? Ben, en fait, ce qui est arrivé, c'est que ce règlement-là, ce qui est un peu bizarre, Danny, c'est que une des seules places où il peut s'appliquer, où la température de l'eau est en bas de 20, c'est la Robert Ball. OK, en Argentine, non? En Argentine, la température est à 22, 23, 24, sans problème. Okay. Donc, c'est ça qui est bizarre, là, c'est que samedi, 29 juillet 2017, c'est la première fois où on risque possiblement d'avoir une compétition aussi longue avec ces combinaisons-là. Fait que, comme je disais tout à l'heure, on est vraiment dans un monde d'inconnus et ça sera intéressant de voir comment tout ça va se faire. Moi, personnellement, comme ancien nageur, je suis contre le fait de dire que ça prend une combinaison comme le wetsuit pour démocratiser un peu le sport, pour faire en sorte que la traversée soit accessible à un plus grand nombre d'athlètes. Et parce qu'on le sait, parce qu'à travers les années, certains athlètes avaient peur de venir à cause de la température de l'eau et des conditions et tout ça. Donc, moi, personnellement, je suis contre le règlement, puis encore plus de ce que j'ai expliqué tout à l'heure, Danny, sur le fait qu'il y a comme trois zones, tu sais, permis, pas permis, optionnel. Et moi, personnellement, au moins, je pense que si la FINA aurait voulu aller sur le avec les wetsuits, aurait dû juste avoir le fait de dire, écoutez, en bas de telle température, c'est obligatoire, en haut de telle température, c'est pas permis. Ben oui, t'as une zone grise, là, c'est vraiment moi, une zone grise. Cette zone-là, optionnelle, là, qui force un peu le monde à prendre une décision stratégique. Et en plus, qu'il y a seulement il y a seulement un fournisseur qui est permis par la FINA, qui est la compagnie Aquatique Arena. Il y a seulement 4 modèles. Fait que si le modèle te va, tu sais, c'est un peu comme des paires de jeans. Tu sais, il y a des paires de jeans qui nous font bien, puis d'autres paires qui nous font pas bien. Mais si c'est du maillot, cette compagnie-là, ben, il est plus ou moins adapté à à la forme de ta physionomie, ben, à partir de ce moment-là, ben, t'es un peu foutu parce qu'il y a juste ce maillot-là que tu peux mettre, là, t'sais. Ben, moi, c'est stratégique, j'haïs pas ça. Ben, de ce côté-là, j'haïs pas ça parce que moi, je suis un amateur de course automobile, de F1, puis de type de gomme-tente, de type de robot. C'est ça, c'est très boiteux comme comparaison, mais à la limite, ça se ressemble un peu. Tout dépendant de la piste et ainsi de suite, on utilise telle gomme. Donc c'est un peu boiteux, mais ça se ressent un petit peu, là, cette affaire. Je serais d'accord avec toi, Danny, si la FINA imposerait le wetsuit pour les bonnes raisons. Okay. Pour comprendre, là, la genèse de tout ça, c'est que Francis Crippen, qui était venu ici au Mondiaux en 2010, est décédé d'une compétition aux Émirats Arabes Unis dans des conditions sont totalement à l'inverse du lac Saint-Jean, une température de l'eau qui se met à 25-30 degrés, une température extérieure de 40-45 degrés, un manque au niveau de la sécurité. Donc on parle d'une condition extrême où c'est de l'hyperthermie, parce que ce que les gens pensent souvent, c'est l'hypothermie, parce qu'on a froid, on gèle, on crelotte. Mais moi, j'ai vécu une course en Italie où j'ai fait de l'hyperthermie. Tu as le même symptôme à la fin de la course, tu grelottes, on dirait que tu as froid, 45 degrés dehors, puis la température de l'eau est à 30 degrés. C'est juste que Mané, c'est un mécanisme de défense de ton corps, ben, il est trop chaud, il est trop froid, puis tu commences à grelotter. C'est un signe que ton corps envoie à ton cerveau pour dire, il faut que tu changes ta condition. Si le wetsuit était là parce qu'il y a eu des problèmes, il sert à verbal, parce que la sécurité est déficiente, et ce qui c'est vraiment pas le cas, ben, je serais OK, on est obligé d'avoir le wetsuit. On part de l'effet inverse. Okay. Moi, je serais d'accord si le wetsuit serait là pour les bonnes raisons, pour pallier un problème qui est réel. Mais la traversée n'a jamais eu de problème en 63 ans. C'est la compétition qui est la plus sécuritaire et on fait un règlement sans consulter la traversée qui oblige, qui vient changer les règles du jeu. Il n'y a pas beaucoup de nageurs, des 25 nageurs, nageuses qui vont être samedi matin au Kit Pays-Bas qui disent que c'est une bonne chose d'avoir imposer ou d'avoir mis en place ce nouveau règlement-là. Je peux te dire, j'ai fait des entrevues avec plusieurs. Xavier Dernay a dit qu'ils ont manqué de courage. C'est ça que Xavier Dernay peut plus parler. C'est un gars d'expérience. Tania Bellil n'est pas d'accord non plus. Puis Gabriel Savard, ben, c'est des jeunes, ça, eux autres. C'est sûr qu'eux autres ont moins d'expérience qu'un gars comme Xavier Dernay. Il a pas mâché ses mots. Allez, rapidement, sur la compétition. C'est sûr que c'est ça qui prime sur la compétition. À quoi s'attendre? Est-ce que un peu malheureux, hein? À quoi s'attendre? C'est sûr que là, tu vas me dire, c'est encore lié avec la combinaison, mais quand même. Xavier Dernay, est-ce que les couteaux entre les dents? Le fait que c'est moins entraîné, je pense que c'est moins entraîné cette année, est-ce que ça peut le désavantager? Faute de commanditaire. On a senti l'an passé, il avait terminé là, loin des premiers, là, après avoir remporté 2 victoires consécutives. On a senti l'an passé qu'il était justement moins entraîné, moins préparé. J'ai hâte de voir sa préparation. Il n'a pas remporté la course au lac Adjim. Fait que le 15 km là-bas, il était devancé par un nageur français, là, Édouard Lehoux. Fait que personnellement, j'ai hâte de voir. Je suis pas convaincu que Xavier arrive dans une forme extraordinaire. Non. Moi, je pense que Philippe Gertin a eu une bonne préparation. Il est allé aux Mondiaux sur 10 km. Il a fait un top 30 sur une compétition qui avait 60 athlètes. Fait qu'on voit qu'il a répété. Philippe a des fois des bonnes traversées, des mois de bonnes traversées. Là, en passé, il avait dû abandonner. Là, je pense que Philippe commence à avoir l'expérience, justement, la maturité pour faire une bonne traversée cette année. Sinon, c'est sûr, puis tu le disais tout à l'heure, je vais voir, pour faire mes prédictions finales, je vais voir la température de l'eau, qu'est-ce qu'il y a des combinaisons. Je pense qu'un gars comme Damien Blum, qui a remporté la première étape des Grands Prix en Argentine, qui a déjà fait 6 podiums sur 13 participations, est un gars sur... Et l'Italien, Eduardo Stucchino, qui avait terminé deuxième l'an dernier derrière l'Américain Alex Meyer, qui lui a pris sa retraite. Fait que il y a peut-être là... Mais c'est assez ouvert cette année, là. Nos Canadiens... avec Xavier Desharnais, Philippe Gertin, Damien Blum, Eduardo Stucchino. Et ça, c'est des gars là qui sont à surveiller. Et ça, c'est très intéressant. Et chez les dames, Dani, là, ça va être une Italienne. Mm. Hein. 3 Italiennes sont extrêmement forts. Alice Franco, Barbara Posebon et Martina Grimaldi, qui avait déjà remporté ici le 10 km hors des Mondiaux en 2010 dans la rade de Robert Val. Fait que l'équipe italienne est extrêmement forte et ce serait pas surprenant qu'on ait un podium là qui se marche, je pense, chez les dames, là, entièrement un podium entièrement italien. Et ce que je vais surveiller, Dani, moi aussi, samedi, c'est pour la première fois en 63 ans. Tu parlais de Dania Bellil, une petite fille nageuse de Saint-Félicien. Ouais. On n'a jamais eu de nageur ou de nageuse de Saint-Félicien. Il y a eu environ, au cours des 63 dernières années, environ près d'une quinzaine de nageurs Robert-Valois, nageuses Robert-Valois qui ont fait la traversée, mais ça va être la première fois en 63 ans qu'un nageur représente la ville de Saint-Félicien. Quand même, c'est la municipalité là, voisine ici à Robert-Val, donc c'est quand même... Il y a déjà eu des nageurs d'Alma, de l'Abbé, de Chicoutimi, de Jonquière, de d'autres municipalités au Séné-Lac-Saint-Jean, mais la première fois après 63 ans, enfin, qu'on voit un nageur de Saint-Félicien s'élancer à Péribonca. Fait que pour elle, je pense que ça va être tout spécial samedi matin. Ouais. Ben, on t'écoute sur les ondes de 99.5, encore une fois, bonne émission, c'est vraiment intéressant, c'est la place où il faut aller. Je suis très critique envers les gens de Planète, mais quand ils font des bons coups, il faut le dire aussi. Puis, fait que 99.5, c'est la station à visionner, puis on t'écoute avec Radio Diffusée, on t'écoute avec toute l'équipe là-bas. Merci, Dani. Voilà, Marc-André Leclerc de Planète 99.5.